Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, des virus suivis à la trace, une série de Michel Pomarède réalisée par François Test. Alors pour commencer, les personnages. Une mère qui veille, des pédiatres pédagogues, des parents qui ont tous les droits, d'autres qui ne vaccinent pas, un chercheur qui s'interroge, des médecins invincibles et des infirmiers instrumentalisés. Ensuite, le décor, la rumeur, un peu de pu, une épidémie, la sclérose en plaques, un peu d'aluminium, des laboratoires prospères et des injonctions contradictoires. Aujourd'hui, quatrième épisode, des archives à remonter le temps. Eh bien, je vais laisser la parole à notre docteur qui a entrepris de nous décrire quelques-uns des symptômes de certaines maladies et qui nous parle de la rougeole, n'est-ce pas ? C'est la rougeole, en effet, qui fera l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Maladie fréquente de l'enfance, survenant surtout au printemps et au début de l'été, la rougeole est peu grave en général, mais susceptible de complications qu'il est bon de connaître pour pouvoir y remédier à temps. C'est après une incubation de 8 à 10 jours que débute la maladie. Les yeux sont larmoyants, le nez enchiffronné, l'enfant toussote. Puis, au bout de 2 ou 3 jours, la fièvre monte subitement et c'est alors que l'éruption commence. Cette éruption, constituée par des centaines de petites taches rouges, grosses comme des grains de mil, alors que l'éruption de la scarlatine est faite de grands placards, débute par la face, puis s'étend au tronc, aux membres supérieurs, et enfin à la partie inférieure du corps. Accompagnée d'une fièvre parfois assez élevée, elle pâlit après quelques jours, puis disparaît en même temps que la fièvre. Des virus suivis à la trace. Savez-vous qu'on peut vacciner les bébés contre la rougeole ? Oui, eh bien, on ne le croirait pas. En effet, sur 12 millions de jeunes Français, 50 000 seulement sont actuellement vaccinés contre la rougeole, alors qu'il y en a 750 000 cas chaque année et que 50 de ces cas sont mortels. Et pourtant, le vaccin est fabriqué depuis 2 ans en France, son utilisation est très courante aux États-Unis, mais chez nous, non, on ne vaccine pas beaucoup contre la rougeole. Pourquoi ? Rougeole, la vaccination en question. Michel Pomarède, François Test. Professeur Emmanuel Grimprel, vous dirigez le service de pédiatrie de l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes membre du comité technique de vaccination depuis 10 ans. La rougeole tue en moyenne 100 000 enfants dans le monde, principalement en Afrique ou en Asie. L'an passé, un nourrisson est mort à Berlin de la rougeole dans une famille anti-vaccin. Est-ce qu'ici à Paris, un enfant pourrait mourir aussi de la rougeole s'il n'est pas vacciné ? Aujourd'hui, totalement. C'est-à-dire que, en théorie, il est parfaitement possible qu'un nourrisson non vacciné aujourd'hui, non protégé, puisse attraper la rougeole dans notre pays. La rougeole est une maladie exigeante, c'est-à-dire que le virus rougeoleux est un virus très particulier qui a un pouvoir de contamination et donc de transmission qui est extrêmement élevé. Pour arrêter la transmission, nous devons obtenir des taux de couverture vaccinale de plus de 95%. Nous ne les avons pas encore. C'est la raison pour laquelle la rougeole peut encore circuler, et d'ailleurs en 2010 et 2011, nous avons eu une épidémie de rougeole en France. Parce que nous avions accumulé pendant ces 20 années une population non vaccinée, non protégée, et lorsque vous avez un virus qui est très transmissible, et bien à ce moment-là, une épidémie peut survenir. L'épidémie s'est arrêtée spontanément, comme c'est toujours le cas. Elle est susceptible de revenir, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas en France les conditions pour garantir qu'il n'y aura pas d'épidémie dans notre pays. Quel est votre regard sur la communication liée à la politique de vaccination en France depuis ces dernières années ? Alors, c'est une communication qui est devenue très difficile. Vous savez que la France est un des pays dans le monde, et en particulier en Europe, dans lequel cette réticence vis-à-vis des vaccinations est la plus importante. C'est un phénomène assez unique. Même si c'est un phénomène général dans le monde entier, la France est en tête. Ce n'est pas si fréquent que ça que la France soit en tête. Et donc on se rend compte aujourd'hui que les vaccinations dans l'opinion de notre population revêt un côté inquiétant, anxiogène. La population est inquiète parfois des effets de la vaccination et du coup est tentée de s'en détacher et donc de ne plus suivre des recommandations qui nous viennent aujourd'hui des autorités de santé qui élaborent chaque année le calendrier vaccinal. C'est une communication qui est devenue très difficile parce que, de façon générale, nos autorités, qu'elles soient scientifiques, politiques ou institutionnelles, aujourd'hui sont de plus en plus critiquées et non écoutées par la population. C'est un phénomène général. On se défie. En parallèle, la communication aujourd'hui est devenue très très différente par le biais d'abord d'Internet et puis désormais des réseaux sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une transmission de mots, de paroles qui se passe de façon extrêmement rapide. En quelques minutes, on peut toucher des millions d'individus, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation particulière où beaucoup de, entre guillemets, informations viennent des réseaux sociaux sans aucun contrôle scientifique ni aucune restriction sur la parole écrite ou verbale et qu'elle prend le pas aujourd'hui sur les réalités et les faits scientifiques. Citoyens du monde, peuple de la liberté, nous sommes anonymous. Le verdict est tombé sur le vaccin contre la grippe. De nombreux experts médicaux s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'il est plus important pour vous et votre famille de vous protéger du vaccin contre la grippe que de la grippe elle-même. Chaque année, l'industrie pharmaceutique, les experts médicaux et les principaux médias travaillent dur pour nous convaincre de se faire vacciner contre la grippe. Mais on ne nous dit pas toute l'histoire. Anne-Marie Moulin, vous êtes médecin et philosophe, et vous avez écrit en 1995 un livre qui fait encore référence, qui s'appelle « L'aventure de la vaccination ». Et l'aventure de la vaccination, elle commence il y a plus de 130 ans, le 14 mai 1796. Une vache, un jeune homme, un médecin. Racontez-moi la suite. Oui, enfin un médecin, il y a des gens qui disent qu'il y avait avant un fermier qui était au courant. C'est très simple, on avait remarqué que le personnel qui trayait les vaches qui étaient atteintes d'une certaine maladie avait des pustules sur les mains et qu'après il résistait à la variole. Et de là l'idée est venue, on prend un peu de pus de la vache, on l'inocule à un enfant, les plus touchés par la variole, et voilà, par la suite il est protégé. Ça paraît très simple. On sait qui ? Jenner, Edouard Jenner, une personnalité britannique, et pourtant Napoléon, qui Dieu sait n'avait pas beaucoup de sentiments pro-anglais, a favorisé la venue de la vaccine en France. Il a payé quelqu'un pour tourner le blocus et pour pouvoir débarquer à Rochefort pour apporter la précieuse vaccine à la population française. Vaccine, donc l'origine c'est vache. C'est vache, tout simplement, vacca en latin. Et pustule, c'est varus en latin aussi, d'où variole. Tout à fait. Et la dite variole tue des dizaines de milliers de personnes au XVIIIe siècle. Déclarée maladie infectieuse complètement éradiquée par l'OMS en 1976, on découvre un seul cas en 1977 en Somalie. C'est officiellement le dernier cas. Et à mon avis, c'est une grande chance que la variole ait été éradiquée en ce moment. Quand on voit que les dernières campagnes ont été par exemple en Afghanistan, avant l'invasion soviétique, on peut imaginer s'il y a eu quelques années de décalage, il aurait été impossible de vacciner la population afghane et par conséquent l'éradication aurait pris un sérieux retard. Anne-Marie Moulin, 1796, Édouard Jenner donc invente la vaccination de la variole, mais en 1800, c'est Benjamin Waterhouse, lui-même médecin à Boston, qui décide de vacciner l'ensemble de sa famille et l'année d'après, le président Thomas Jefferson, pour montrer que ça marche. En fait, avant qu'Obama se fasse vacciner devant la télévision contre la grippe, les rois, les présidents ont toujours été fortement impliqués dans le développement de la vaccination pour leur population. Continuons la chronologie. Donc, on est aux États-Unis, 1800, donc Waterhouse convainc le président Thomas Jefferson de se faire vacciner. Ça marche. Pasteur, Le français, 1885, lui, c'est la vaccination contre la rage. Donc, date très importante. Qu'est-ce qu'il améliore des trouvailles du britannique Jenner, Pasteur ? D'abord, il a rendu hommage à Jenner lui-même. Parce que le terme même de vaccination, au début du 19e siècle, il ne désigne que la protection contre la variole. La nouveauté, le génie de Pasteur, c'est d'avoir créé le mot « vaccin » comme un mot général qui désigne toutes les tentatives de transformation des germes pour protéger, immuniser la population, pour la protéger. Alors, ce qu'il a apporté de neuf, c'est tout un mouvement d'identification des microbes et par conséquent l'ouverture, la possibilité triomphante de transformer ces microbes et de les faire servir à protéger les hommes contre les épidémies. Céline Thomas, vous êtes la mère de trois enfants qui ont quel âge ? Alors, qui ont respectivement 13 ans, bientôt 10 ans et 4 ans et demi. Dans vos mains, description des carnets de vaccination, celui-là par exemple. Oui, alors celui-là, c'est le carnet de vaccination de mon fils, donc qui a 13 ans, qui reprend donc l'intégralité des vaccinations auxquelles il a été soumis depuis donc l'âge de ses 2 mois, puisque c'est à compter de 2 mois qu'il a dû être vacciné. Est-ce qu'entre les trois naissances, il y a eu une évolution dans votre réflexion par rapport à la vaccination, ou c'est resté un réflexe pour vous ? Alors, pour moi, c'est resté un réflexe, parce que voilà, j'ai toujours été vaccinée, donc j'avais pas d'a priori ou de crainte vis-à-vis de la vaccination. Par contre, là où j'étais surprise, c'est que ce qui changeait, c'était le regard des professionnels sur la vaccination. Et d'ailleurs, au-delà du regard des professionnels, la législation sur la vaccination, puisque des vaccins qui étaient obligatoire pour mon fils aîné, ne devenait que facultatif, voire n'était plus du tout préconisé par les médecins pour ma dernière fille, donc à 8 ans d'écart d'intervalle. Lequel, par exemple ? Celui pour l'entrée en crèche, donc de mémoire, c'est la tuberculose. Donc le BCG ? Le BCG, oui. Est-ce qu'on vous a clairement expliqué pourquoi le BCG obligatoire de 49 à 2007 cesse de l'être ? Non, du tout. Quand je me suis interrogée là-dessus, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était une politique de santé qui évoluait un peu au gré des modes, mais qui effectivement pose question, puisqu'on se dit que c'est une condition sine qua non pour être mis au risque d'une mise en collectivité et qui devient presque juste un choix de politique de santé à un instant T, mais sans avoir eu plus d'explications là-dessus. Encore aujourd'hui, en 2017, nous avons 3 vaccins qui restent obligatoires. Ces vaccins ont été rendus obligatoires après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on a voulu accélérer la mise en place de ces stratégies de vaccination, ces diphtérie, tétanos et polio. Et à l'époque, le nombre de vaccins qui étaient proposés à la population était relativement faible. Il y avait également le BCG, bon, qui lui, aujourd'hui, à une obligation qui est suspendue, donc elle n'est plus de fait obligatoire. Depuis 10 ans. Depuis quelques années, en effet, parce que la situation de la tuberculose en France a fait qu'il n'était plus logique d'imposer cette vaccination à tout le monde au profit d'une vaccination ciblée pour des personnes à risque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la diphtérie, le tétanos et le polio. Il n'y a pas de population à risque ou pas à risque. Tout le monde a le même risque de contracter ces maladies. Par contre, depuis que ces vaccinations ont été rendues obligatoires, donc il y a de nombreuses années maintenant, encore une fois pour favoriser la mise en place de la stratégie vaccinale, et ça a été un succès, puisqu'aujourd'hui notre population est bien vaccinée contre ces 3 maladies, et ces maladies ont disparu, mais vont revenir si on arrête de vacciner, donc nous devons continuer à bien nous vacciner contre ces 3 maladies. Depuis cette période-là, d'autres vaccins ont été développés pour d'autres maladies, et par exemple, la maladie dont vous me parlez, c'est-à-dire la rougeole. Je peux vous citer la rubéole, les oreillons, les infections à Haemophilus influenzae invasives du nourrisson, les infections à pneumocoque, les infections à méningocoque, enfin, les infections à papillomavirus. Donc, il y a toute une série d'autres infections pour lesquelles des stratégies de prévention ont été développées dès lors qu'on a pu établir le poids de ces maladies et trouver en face un vaccin qui pouvait nous en protéger et qui a été testé, évalué. Nous étions dans une autre période lorsque ces vaccins sont arrivés, pour lesquels l'obligation vaccinale n'était pas nécessaire, en tout cas n'a pas été jugée nécessaire pour mettre en place ces stratégies vaccinales. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans d'autres pays que la France, beaucoup de pays qui sont voisins de nous n'ont pas de vaccination obligatoire et ont le même calendrier vaccinal que nous et vaccinent aussi bien, voire même mieux que nous, pour certaines maladies, notamment la rougeole. Prenez la Finlande, il n'y a pas de rougeole en Finlande. 98% de la population finlandaise est vaccinée contre la rougeole sans aucune obligation. Donc, c'est ce qui nous fait dire aujourd'hui, est-ce qu'on doit garder ou pas une vaccination obligatoire et non obligatoire recommandée avec ces autres vaccins? Est-ce qu'on peut avoir ce double régime? Cette situation est devenue difficile à accepter parce que elle n'est pas comprise de l'opinion publique, puisque nos trois vaccins obligatoires aujourd'hui, encore une fois, doivent être poursuivis. En tout cas, il faut continuer à vacciner contre diphtérie, tétanos et polio. Mais le risque aujourd'hui individuel de contracter la diphtérie, le tétanos et la polio en France est relativement faible. Par contre, nous avons d'autres infections pour lesquelles nous avons proposé une stratégie vaccinale et pour lesquelles la couverture vaccinale n'est pas assez bonne, c'est-à-dire que la population est insuffisamment vaccinée et de ce fait représente quand même un danger pour nos enfants. La rougeole est un super exemple. La rougeole peut s'accompagner de complications graves qui touchent les gens de tout âge. Lucas est déconcerté. Comment peut-on se protéger, demande-t-il. Si on n'a pas eu la rougeole, il n'y a qu'un seul moyen, dit Emma, recevoir deux doses de vaccin. Deux doses de vaccin. Et Emma d'ajouter, la vaccination est aussi un acte solidaire. Si suffisamment de personnes sont vaccinées, ceux qui ne peuvent pas l'être sont protégés. Restons un moment sur l'histoire, Anne-Marie Moulin. 1885, Pasteur, donc, découvre le vaccin contre la rage. Mais 1902, la première ligue française anti-vaccin. Et cette ligue anti-vaccin française, précédée en Angleterre, dès 1853, par elle-même une ligue anti-vaccin. Donc, dès les origines, très peu de temps après la découverte de Pasteur, il y a des gens qui se mobilisent contre. Alors, ils se mobilisent contre le vaccin. Mais là encore, il faut rétablir le contexte. La plupart du temps, quand les gens réagissent au vaccin, ils réagissent à tout un ensemble de contraintes. C'est très frappant en Angleterre. C'est une contrainte qui s'exerce sur le dos des pauvres. Les riches, par exemple, ont toujours le moyen d'échapper par toutes sortes de ruses à l'obligation. Et cette obligation, elle retombe sur les pauvres, d'autant plus que l'obligation en Angleterre, à l'époque dont vous parlez, s'assortit d'un certain nombre de pénalités, voire de la prison et d'amendes qui, évidemment, sont très lourdes pour le pauvre citoyen. Donc il y a tout un contexte politique de refus à l'égard d'un État, d'ailleurs dont on ne comprend pas toujours la politique, parce que pourquoi, au fond, l'État se préoccupe-t-il tant de vacciner les pauvres alors qu'il ne leur donne pas par ailleurs les moyens de se nourrir décemment et d'élever convenablement leurs enfants? Et c'est un argument d'ailleurs qui fait le pont avec les refus de la vaccination hors d'Europe. Je ne suis pas sûre que ce soit là le centre de votre intérêt, mais c'est très proche, puisque finalement les populations hors d'Europe, en Afrique et en Asie, s'étonnent que tant d'ONG, d'organisations charitables, humanitaires, etc. veuillent les vacciner, alors que par ailleurs, on ne leur donne pas des moyens décents pour continuer à survivre. Les anti-vaccins trouvent dans la chronologie historique de l'eau à leur moulin. 1907, Mulcovar, en Inde, gros problème avec le vaccin contre la peste. Qu'est-ce qui se passe en 1907 en Inde, Anne-Marie Moulin? Alors là, moi, je trouve que c'est toujours cité, mais c'est vrai que ce qu'on appelle le désastre de Mulcoval, c'est dans le Punjab, c'est assez facile à comprendre. Le pauvre Afkin arrive avec son vaccin, En Inde, vous connaissez l'Inde, un énorme continent, une administration et des vaccinateurs choisis, formés à la hâte. Et il est probable que ces 20 cas de tétanos, puisque c'est ça le fond du désastre, ces 20 cas de tétanos seraient consécutifs à une bêtise, quelqu'un qui a laissé tomber le vaccin par terre et qui ensuite a repris le contenu et a injecté des spores tétaniques aux vaccinés. Mais d'une part, dans l'Inde, ça fait encore l'effet d'une poudrière, parce que déjà les Indiens étaient très soupçonneux à l'égard de ce vaccin promu par les Britanniques. Et puis, évidemment, ça a interrompu complètement la carrière scientifique de Hafkin. Il n'empêche d'ailleurs que l'Institut porte toujours son nom, même si c'est vrai que ça, d'une part, a interrompu sa carrière, et d'autre part, porté un coup important à l'histoire de la vaccination. 1991, plus près de nous, l'affaire de l'hépatite B, qui donnerait la sclérose en plaques? C'est en tout cas ce qui est dit en 1998, quand Bernard Kouchner, le ministre de la Santé de l'époque, retire de la vente et de l'obligation vaccinale, pour les personnels de santé notamment, la vaccination de l'hépatite B. Racontez-moi cet épisode très récent de l'hépatite B. Alors comme toujours, c'est un épisode très compliqué. Mais pour dire vite les choses, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui est assez fréquente dans la population, en particulier la population jeune, une vingtaine d'années par exemple. Donc ça correspond assez bien à l'âge où l'on a vacciné contre l'hépatite B. Et dans la population, il était prévisible qu'il y aurait un certain nombre de sclérose en plaques qui apparaîtraient dans un certain délai après l'hépatite B, statistiquement. La fréquence de la sclérose en plaques est telle qu'il est probable qu'il y a un certain nombre de sclérose en plaques qui surviennent après vaccination. Tout le problème de savoir, évidemment, s'il y a un lien causal entre les deux. Et là, c'est à la fois très difficile. Il semble que le nombre des scléroses en plaques n'est pas supérieur à celui qu'il aurait été sans vaccination. Mais c'est vrai que du point de vue de la science médicale et de l'immunologie, on ne peut pas démontrer que le vaccin contre l'hépatite B n'a pas été stimulé, un petit lymphocyte qui passait par là et qui a initié un processus inflammatoire. La genèse même de la sclérose en plaques chez les personnes non vaccinées reste obscure. Il y a un facteur génétique, probablement des facteurs environnementaux. La science, de ce point de vue-là, est encore balbutiante. Michel Simès et Marina Carrère-Dancos en mars 2016. Cela fait donc près de 18 ans qu'est née la polémique sur le vaccin contre l'hépatite B. Cela fait près de 18 ans qu'est née cette émission que vous regardez aujourd'hui, le magazine de la santé. Près de 18 ans que nous vous répétons année après année qu'il n'y a aucune preuve scientifique d'un quelconque lien entre ce vaccin et les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, mais la justice qui confirme que ce vaccin n'est pas en cause. Durant ces 18 ans, ce sont des centaines de milliers d'enfants, une génération entière qui est passée à côté de cette protection. La faute aux politiques, aux journalistes, mais aussi aux médecins qui relayaient les rumeurs et fausses informations, parfois par méconnaissance ou incompétence, souvent par idéologie. Céline Thomas, est-ce que vous vous rappelez de votre passage à la vaccination quand vous étiez enfant? Et est-ce que des vaccins donc, qui étaient obligatoires, qu'ils sont, DT, polio et les autres qui sont recommandés, est-ce que c'est clair? Vous avez peut-être les marques du BCG, il y avait d'autres vaccins qu'on faisait avec un rasoir, qui scarifiaient la peau. Est-ce que depuis que vous êtes devenu mère, vous avez aussi souvenir de votre propre passage en tant qu'enfant dans le champ de la vaccination? Alors j'ai souvenir de la vaccination, je saurais pas dire de quel vaccin. Effectivement, la douleur à l'épaule. Alors j'ai pas eu cette expérience au rasoir, mais la piqûre à l'épaule me suffisait en termes d'engourdissement. Donc un souvenir plutôt désagréable, sans en comprendre trop le sens. C'était un peu le passage obligé. Et c'est vrai que moi-même finalement j'ai un peu reproduit ça, sans trop expliquer à mes enfants le détail de la vaccination. En leur expliquant le principe, mais pas le détail de la maladie. Voilà. Est-ce que faire vacciner vos enfants, c'est un devoir citoyen? Oui, moi je le vis comme ça, parce que aujourd'hui j'ai toujours conscience que ces maladies existent et qu'elles sont mortelles, donc je me suis pas posé de questions. Maintenant, je sais qu'il y a des vaccinations qui sont facultatives, qui ont évolué. On m'a parlé entre autres de la vaccination contre la varicelle. Et voilà, je passe pas par contre le cap de survacciner pour des maladies qui, à mes yeux, n'ont pas un risque important sur la santé des enfants. Est-ce que vous êtes sensible à ce qui circule sur Internet, sur les réseaux sociaux, de prise de position de parents qui sont anti-vaccins ? Sensible, non. Enfin, j'ai vu qu'effectivement il y avait des courants. Moi, j'y adhère pas parce qu'aujourd'hui, au regard des vies sauvées contre eux, effectivement des conséquences liées à certaines vaccinations, j'ai eu moi-même une amie qui adulte a eu des soucis du fait d'une vaccination. Mais en proportion, aujourd'hui, statistiquement, je fais plus confiance, à la préservation de la santé qu'au risque. Associés à ces vaccinations. Est-ce que dans votre entourage ou depuis que vous scolarisez vos enfants, vous avez rencontré des parents qui sont anti-vaccins ? Oui, j'ai rencontré non seulement des parents anti-vaccins, mais après même des professionnels de santé anti-vaccins. J'ai en tête un médecin qui était le médecin imposé entre guillemets par la crèche pour l'entrée en crèche de ma dernière fille, qui m'a dit ouvertement, ne pas préconiser de vaccination. J'étais assez désappointée parce que on fait confiance au personnel médical en ce sens et là je savais plus quoi faire, donc je suis restée sur le choix que j'avais fait en me disant j'avais moi-même pas de réponse, qu'est-ce qui justifiait il y a 8 ans cette vaccination et qui permet de ne plus l'imposer. N'ayant pas de réponse, j'ai fait le choix de la vaccination. Emmanuel Grimpel, vous êtes pédiatre et vous parliez de la confiance qu'ont les Français en leurs médecins traitants. Quel regard portez-vous sur vos confrères qui, pour certains, font des certificats de complaisance à des parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants ? J'ai pas beaucoup de considération pour des collègues qui vont être amenés à faire un faux certificat. Je pense que sur le plan déontologique, ce n'est pas acceptable. Le problème qui est posé, c'est pourquoi est-ce que bien qu'ils soient minoritaires, ces médecins ont cette attitude vis-à-vis de la vaccination. Parce que je pense que s'ils sont amenés à faire des certificats de complaisance pour justifier une non-vaccination, c'est parce qu'ils sont convaincus eux-mêmes qu'il ne faut pas vacciner. En tout cas, ils sont opposés. Ça m'étonne beaucoup de la part d'un médecin qu'il puisse arriver à avoir ce mode de pensée. La seule explication, c'est que cette personne, pour croire une information aussi fausse que ça, ne possède pas un niveau de connaissance de base qui lui permette immédiatement de reconnaître que cette information est stupide. Donc c'est un vrai problème de formation. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'aider à la fois les professionnels de santé, mais également les politiques, mais également les journalistes, mais également la population, à acquérir un minimum de connaissances qui lui permettra à un moment donné de faire le tri entre des informations qui sont stupides, qui ne reposent sur rien, et d'autres qui ont une vraie valeur scientifique. Docteur Soizic Coursier, vous êtes directrice médicale et technique vaccin pour l'Europe de la firme britannique GSK GlaxoSmithKline, qui est un des plus gros producteurs de vaccins au monde. Est-ce que d'abord on pourrait parler de votre usine de Wavre, qui est dans les mornes plaines de Waterloo ? En cherchant dans la documentation, j'ai trouvé 2 chiffres assez parlants. 4000 salariés, 420 000 flacons par jour. Oui, c'est même un peu plus que 4000 salariés. C'est plutôt de l'ordre de 5500 salariés sur le site de Wavre. C'est à peu près 70 terrains de foot, hein, donc c'est absolument gigantesque. C'est le plus gros site de fabrication au sein de GSK pour les vaccins. Et on y fabrique en fait tous nos vaccins, sauf celui de la grippe et celui de la méningite. On couvre aujourd'hui 22 des 30 maladies infectieuses pour lesquelles il existe un vaccin. Donc, ce qu'il faut expliquer peut-être d'abord, c'est la complexité de la fabrication d'un vaccin. La fabrication d'un vaccin, ça prend entre 6 mois et 24 mois en fonction du vaccin. Donc 6 mois, par exemple, pour un vaccin de la grippe, 24 mois pour un vaccin plus complexe qui va associer différentes souches. Précédé par au moins 15 ans de recherche. Et donc, entre le moment où on reçoit les produits bruts au départ et le moment où on va pouvoir libérer un lot de vaccins, il va se passer ces 24 mois. On va mener des centaines de contrôles pour assurer la sécurité des patients. Ça représente à peu près 70% du temps de fabrication. En même temps, on doit respecter la chaîne du froid, ce qui est aussi spécifique au vaccin, ce qui ajoute de la complexité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la plupart des vaccins, pas dans tous, mais dans la plupart des vaccins, il est nécessaire d'ajouter un adjuvant pour obtenir une réaction immunitaire suffisante. Parce qu'on utilise aussi des antigènes atténués. Forcément, on n'utilise jamais aujourd'hui des virus vivants. Hein. Ils sont bien sûr atténués. Et donc, il est nécessaire d'ajouter un adjuvant pour obtenir la protection suffisante. L'aluminium est utilisé depuis plus de 80 ans, notamment dans les vaccins pédiatriques combinés. Il a été administré à des millions d'enfants, je dirais même des milliards d'enfants. Et donc, on a un recul extrêmement, extrêmement important en termes d'utilisation de l'aluminium. Romain Guérardi, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous avez écrit récemment un livre sur l'adjuvant aluminium au sein des vaccins. Le titre de votre livre, c'est « Toxic Story ». Est-ce qu'on peut dater l'apparition des troubles musculaires dont vous parlez à 1990, date à laquelle on passe d'une vaccination sous-cutanée à une vaccination intramusculaire ? Le problème lié aux adjuvants aluminiques préexistait probablement, mais c'est là où on s'en est aperçu. À partir du moment où l'injection est devenue intramusculaire, les biopsies musculaires ont pu révéler la persistance chez certains individus pendant de très très nombreuses années de l'adjuvant dans les cellules immunitaires au site de vaccination antérieure. Et donc à partir de là, on a tiré le fil progressivement et on a essayé de comprendre ce qui se passe. Ça concerne, si j'en crois votre livre Toxic Story, 800 personnes en France. Est-ce que vous avez vu arriver des gens qui avaient donc cette fatigue chronique musculaire due à une vaccination avec un adjuvant et cette fatigue chronique musculaire apparaissant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après cette vaccination ? Ce qui est remarquable, c'est que ces patients sont très stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils ont tous des manifestations cliniques générales qui se ressemblent. Avec donc combinant, comme vous l'avez dit, des douleurs musculaires et articulaires, une fatigue chronique, un épuisement chronique inexpliqué, et des troubles cognitifs qu'on a très bien étudiés ici, et qui sont parfaitement bien corrélés à des anomalies en neuroimagerie, notamment une technique qu'on appelle le PET scanner, FDG. Ces patients, leur histoire, c'est toujours la même. Ils se font vacciner, ils reçoivent en moyenne 5-6 vaccins aluminiques sur une période de quelques années. Et puis, habituellement, il ne se passe rien. Et puis, après quelques mois, ou même après quelques années, brusquement se développe ce syndrome de fatigue chronique que je viens de décrire. Et ils cherchent un diagnostic, ils ont beaucoup de mal à en trouver un. Ils tournent dans tous les services de médecine, chez tous les cabinets médicaux. Et puis, comme ils ont des douleurs musculaires, finalement, quelqu'un se décide à dire « on va faire une biopsie musculaire », on fait la biopsie musculaire et on tombe sur cette persistance qu'on observe quasiment que dans cette situation. C'est-à-dire que nous sommes tous vaccinés avec des vaccins aluminiques, je fais toutes mes biopsies dans le muscle deltoïde qui est vacciné, et on observe cette persistance réellement, exclusivement, que chez les patients qui ont ces manifestations. Donc, on n'est très probablement pas tous égaux devant le risque à avoir une intolérance aux adjuvants aluminiques. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que il faut surtout pas s'arrêter là. On a au bout du fusil, au bout de la canne à pêche, si vous voulez, la possibilité de développer un test prédictif d'une difficulté individuelle à ne pas pouvoir réussir à se débarrasser des adjuvants aluminiques. Ce qui pourrait rassurer beaucoup les familles, les mamans, les familles où il y a des maladies auto-immunes qui posent un problème. C'est des questions qui se posent tous les jours. Hein. Je passe ma vie à répondre à des gens anxieux et à essayer de leur dire qu'il faut qu'ils se vaccinent, sauf s'ils ont réellement des raisons très particulières et convaincantes de ne pas le faire. Est-ce que vous vous retrouvez pas justement être récupéré par des gens qui disent non, les vaccins obligatoires, recommandés, on n'en veut pas? C'est une question très difficile. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un chemin très très étroit entre le refus vaccinal d'un côté ou le refus que rien ne justifie de prendre en compte le fait que des gens, même s'ils sont peu nombreux, peuvent tomber malades à cause des vaccins. Et là, il y a une sorte d'injustice qu'un médecin comme moi, je suis incapable de trouver la bonne dimension. Donc, je crois qu'il faut tenir le double discours, même si c'est difficile. Il faut assurer la couverture vaccinale pour protéger la population et répéter cet élément. Mais dans le même temps, il faut s'assurer qu'en permanence, il y a des travaux rigoureux et sincères. J'insiste sur le mot sincère, pour mesurer le problème de la sécurité des adjuvants. Et si mon livre peut servir à alerter sur le fait qu'il y a un problème, eh bien ça aura servi à ça. Cet écureuil a eu de la chance. Il n'a pas été se faire vacciner. Il a échappé de peu à une mort certaine. Faites comme lui. Refusez la vaccination. Dites stop à la vaccination forcée. Jacques Bessin, vous êtes le président de l'UNAX, l'Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé, depuis 2005. Et quelle est la mission de cette association ? Donc l'objet, la mission de l'association, c'est de permettre aux citoyens d'avoir accès aux droits en matière de santé publique. Parce qu'on s'est très vite rendu compte au fil du temps qu'il y avait des décisions médicales qui étaient prises par des médecins et des professionnels de la santé, ce qui est respectable en soi, parce que ce sont eux les professionnels. Mais aussi, d'un autre côté, on s'est rendu compte que parfois il y a des décisions qui sont prises hors cadre de la loi. Et que dès l'instant où vous remettez en cause certaines décisions médicales, tout de suite, on vous oppose le juge des enfants, les menaces de placement d'enfants et tout. Donc, ce que moi, j'ai vécu. Donc, face à ça, j'ai regardé toute la législation en matière de droit public, en matière de santé. Et je me suis rendu compte que ce soit dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, les médecins font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en toute impunité. Et vous n'avez rien à dire. Jacques Bessin, dans vos mains, les carnets de santé de vos enfants, vous en avez deux. Est-ce que vos enfants sont vaccinés ? Non, ils n'ont reçu aucun vaccin, ni un autre. D'ailleurs, bon, je peux vous montrer la page vaccination, et elles sont complètement vierges. Et tant que j'aurai l'autorité parentale sur mes enfants, elles le resteront, je ne prendrai pas la responsabilité de cela. Comment faites-vous avec les demandes des crèches, des écoles, qui exigent des vaccinations pour intégrer les enfants ? Alors déjà, les crèches n'ont pas exigé des vaccinations. Il y a 3 vaccinations dites obligatoires en France, qui sont la diphtérie, tétanos, polio et rien d'autre. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver le vaccin diphtérie, tétanos, polio unique. D'un point de vue législatif, les crèches n'ont pas à décider l'accès ou le non-accès à un enfant. C'est la loi. Non, c'est le maire qui décide. C'est lui l'autorité de la ville, c'est lui l'autorité sur la crèche, c'est lui qui décide. Mais il peut décider que si la loi est respectée. Et la loi ne peut pas être respectée étant donné qu'on n'a pas de vaccin disponible sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de DTP polio unique. Vous êtes obligé d'accepter des valences dites non obligatoires. Or, l'État français garantit les effets secondaires liés au vaccin dit obligatoire, diphtérie, tétanos, polio. Si vous utilisez un vaccin qui contient une valence non obligatoire et qu'il y a un accident post-vaccinal, c'est à vous de démontrer que ce n'est pas la valence non obligatoire qui n'est pas responsable, que ce sont les autres valences. Vous ne pouvez pas le faire. Donc l'État dit, comme vous ne pouvez pas m'amener la preuve, je ne prends pas en charge. Débrouillez-vous. C'est une hypocrisie, en fait. Jacques Bessin, est-ce que vous êtes vacciné ? Je l'ai été, je ne le suis plus. C'est-à-dire que vous avez tous les vaccins que vos parents vous ont fait ? Je n'ai que 4 vaccins, donc diphtérie, tétanos, polio, à l'époque, ce qu'il y avait que ça, et le BCG. Mais ça, maintenant, le dernier vaccin, il a plus de 25 ans. Quoi. Il y a une loi qui dit très clairement, depuis 2002, que chaque citoyen français a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical quel qu'il soit. Et il peut revenir sur sa décision à tout moment. La vaccination est reconnue d'un point de vue du droit comme un acte médical. Donc, ce qui veut dire très clairement, lorsqu'on me propose de me vacciner, c'est un acte médical, j'ai le droit de l'accepter ou de le refuser. Prenez le Vidal, vous regardez les vaccins, les effets indésirables, ils sont. C'est pas le problème des effets indésirables. Il y en a, il y en aura toujours. Et il y a des gens qui passeront à travers le mal de filet parce qu'ils ne réagissent pas, d'autres réagiront. On a des enfants aujourd'hui parfaitement vaccinés et qui ne développent pas d'immunité vaccinale. Ils n'en ont pas, c'est comme ça. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Mon combat, il n'est pas là. Mon combat, c'est que la loi soit respectée. Et la loi, elle est claire. Elle dit que chaque citoyen a le droit de choisir en matière médicale. Le grand risque qui serait couru par une levée de l'obligation vaccinale, c'est qu'avec un tel degré d'inquiétude véhiculé par les réseaux sociaux, et excusez-moi un petit peu par les journalistes aussi, sur l'inquiétude vis-à-vis des vaccins, notre population risque très rapidement de dire « j'ai trop peur, je ne me vaccine pas, on ne sait jamais ». Et dans ce cas-là, nous aurons une baisse de couverture vaccinale et à ce moment-là, un regain d'infection sévère dont nous aurons beaucoup à souffrir. Que faites-vous de l'argument de certains anti-vaccins qui disent « moi, l'argument pour lequel je ne veux pas faire vacciner mes enfants, c'est la liberté individuelle, mon choix ». Et donc on revient, on va dire, au paradoxe du vaccin, décision collective, mais acte individuel. Je comprends très bien une position individuelle de quelqu'un qui voudrait dire « moi, j'ai envie d'être à la décision et je ne veux pas qu'on m'impose des choses ». Je peux le comprendre. Le problème de la vaccination, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'abord une protection individuelle et des parents sont responsables de la santé de leur enfant. Si aujourd'hui je reçois aux urgences ou dans mon service un enfant qui souffre d'une méningite bactérienne à pneumocoque contre un agent infectieux qui aurait pu être prévenu par la vaccination et qui n'a pas été vacciné, personnellement je pense que les parents ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de la survie ou des séquelles chez leur enfant. Est-ce que vous les sermonnez ? Je n'ai pas à les sermonner parce que je pense qu'ils vont être suffisamment malheureux que leur enfant soit malade pour ne pas en rajouter. Par contre, je trouve navrant et dommage qu'on en soit arrivé là et que finalement cet enfant-là ait eu à souffrir de l'absence de connaissance et de responsabilité de ses parents qui ont refusé un vaccin qui aurait pu le protéger. C'est une vraie responsabilité. Donc sur le plan individuel, si nous proposons un vaccin, c'est pour protéger un enfant contre un risque, bien entendu, qui n'est pas majeur, mais qui n'est pas nul. Aujourd'hui, vous assurez votre voiture pour un risque qui est relativement faible. Ben là, c'est pire. Là, vous assurez votre santé, c'est-à-dire vous voulez éviter non seulement d'avoir à rembourser votre voiture qui est cassée, mais vous voulez tout simplement éviter d'être malade, c'est-à-dire vous voulez éviter l'accident. En gros, la vaccination, c'est un petit peu ça. Mais il y a un deuxième élément. Nous vivons en société, nous acceptons que la société nous couvre, nous paye nos soins de santé, nous protège, nous aide, nous donne la sécurité sociale, nous construise des hôpitaux, nous construise des routes, des crèches. Bref, nous vivons dans une société, nous profitons d'une société et finalement d'un pays où la couverture sociale est relativement élevée par rapport à des pays qui ne sont pas si loin que ça. Donc on est quand même très heureux de vivre ensemble dans une France qui collectivement participe à la protection de l'ensemble des individus. La vaccination, pour beaucoup de ces vaccinations, procède également d'une protection collective. Et de ce fait, c'est un devoir citoyen et un devoir collectif de participer à la protection collective. C'est une vraie responsabilité collective que nous avons et c'est ça, je pense, qu'il faut arriver à partager en France en disant qu'on n'est pas tout seul, hein, qu'on vit aussi dans un monde global et qu'on se protège les uns les autres. Justement, je sors de la pharmacie, je vais acheter un vaccin. Pour me faire vacciner, ça va être la toute première fois que je vais me faire vacciner. Ils ne sont pas nombreux comme cette femme à faire le choix de la vaccination contre la grippe. Seulement 50% des Français dits à risque, femmes enceintes, personnes âgées, en surpoids ou asthmatiques, se protègent régulièrement contre une maladie qui entraîne pourtant 6000 décès chaque année en France. Anne-Marie Moulin, au début de l'année, il y a eu une épidémie de grippe assez importante en France et sont sortis des chiffres importants sur la vaccination du corps médical. vaccination obligatoire contre la grippe, c'est dans le contrat de travail de tout médecin aux États-Unis. C'est suggéré, fortement recommandé en France. Et les statistiques disent 55% des médecins sont vaccinés, 23% pour les infirmières, 15% pour les aides-soignantes. Comment le grand public peut comprendre que des personnels censés les aider et les accueillir dans des hôpitaux surchargés au moment de l'épidémie ne sont pas eux-mêmes vaccinés? C'est comme l'hésitation vaccinale. Je pense que c'est multifactoriel, comme on dit. Les médecins, pas les médecins quelque part, et je peux témoigner quelque de cet état d'esprit, nous nous sentons parfois invincibles. La familiarité avec la maladie nous a amené à penser qu'au fond, elle est notre destin et il nous est peut-être plus difficile qu'à d'autres de rentrer dans une démarche préventive. Mais c'est là une hypothèse audacieuse. Pour les infirmières, il y a aussi un problème de réaction de classe. Beaucoup d'infirmières m'ont dit « Oh, on veut nous vacciner obligatoirement contre la grippe ». Mais c'est pas du tout par intérêt pour notre santé, c'est tout simplement pour éviter qu'on fasse des arrêts de travail. Dans des hôpitaux surchargés, où le personnel, de toute évidence, n'est plus suffisant. Même discours, j'imagine, chez les aides-soignantes. Chez les aides-soignantes, qui se sentent défavorisées, oubliées, qui sont très critiques vis-à-vis de la politique actuelle dans les hôpitaux, qui vise à rendre les hôpitaux rentables, les aides-soignantes sont encore plus éloignées du centre de décision et encore plus résistante, réticente pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la science. C'est toute la société qu'il faut reprendre aujourd'hui et relancer un élan de solidarité. Il y aura des retombées du côté des vaccins. Ici, dans la ville province de Kinshasa. Chers parents, le gouvernement de la RDC et ses partenaires organisent 5 jours de vaccination des enfants de 0 à 10 ans. Amenons nos enfants dans les sites les plus proches où ils recevront le vaccin contre la rougeole, la polio et un supplément en vitamine A et en mébendazole. Je trouve que c'est très important pour la bonne santé de nos enfants. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Sois-y coursier, donc vous êtes à 39 vaccins dans votre portefeuille à GSK. Si on se revoit dans 15 ans, il y en aura combien? Aujourd'hui, on a une quinzaine de nouveaux vaccins qui sont en cours de développement. Ça ne veut pas dire qu'ils arriveront tous sur le marché dans les 15 ans. On a notamment un vaccin contre le Zona, qui devrait lui arriver, il est en cours d'évaluation au niveau des autorités réglementaires. Mais on travaille surtout en fait sur un vaccin contre le virus syncytial respiratoire, qui est à l'origine des bronchiolites et des maladies respiratoires de l'enfant mais aussi de la personne âgée. Et après, on a énormément de pistes de recherche, notamment par exemple dans la BPCO, la bronchite chronique obstructive, qui est une maladie très grave, respiratoire de l'adulte. On essaye de cibler pour vacciner contre les bactéries qui sont les plus souvent identifiées dans des infections respiratoires liées aux exacerbations dans cette maladie. Donc tout ça, c'est des pistes de recherche plus ou moins avancées. On continue de travailler sur la tuberculose, sur le VIH, qui sont des maladies toujours très endémiques, notamment dans les pays d'Afrique. On poursuit aussi sur le paludisme, même si aujourd'hui on a un vaccin à disposition, mais qui ne donne pas en fait des résultats d'efficacité à 100%. Donc il faut absolument poursuivre. Donc on espère que ces recherches aboutiront, mais développer un vaccin, c'est plus de 10 à 15 ans de travail avant de pouvoir le mettre sur le marché. Professeur Emmanuel Grimprel, fin février de cette année, le Conseil d'État enjoint au gouvernement de remettre sur le marché le vaccin trivalent d'été polio. Et la ministre, Marisol Touraine, donne 6 mois aux responsables de son administration pour faire diligence à cette décision. Qu'en pensez-vous ? La situation me paraît assez complexe aujourd'hui, car la réponse du Conseil d'État est une réponse purement juridique. qui applique la loi, mais qui ne tient absolument pas compte des problèmes, de la problématique de santé publique, de la problématique sociale aujourd'hui qui existe dans notre pays, et puis de la problématique de l'industriel ou des industriels qui fabriquent les vaccins. Imaginez qu'un ministre de la Santé puisse obliger un laboratoire à fabriquer de toutes pièces un nouveau vaccin, puisque c'est cela dont il s'agit, qui ne contient que 3 valences, qui sont en effet encore aujourd'hui obligatoires dans notre pays, mais qui ne sont pas les seules à être importantes, loin de là, puisque aujourd'hui ces maladies sont relativement peu importantes. Obliger ce laboratoire à fabriquer un nouveau vaccin qui va lui prendre 10 années et un développement colossal et extrêmement coûteux pour ne servir qu'à satisfaire une toute petite partie de la population qui souhaiterait n'utiliser que ces 3 vaccins et non pas les autres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en santé publique, ça n'a pas de sens sur le plan financier, ça n'a pas de sens sur le plan industriel, ça n'a aucun sens. Donc, je comprends très bien la position du Conseil d'État qui se pose en homme de loi, si vous voulez, mais la traduction réelle dans les faits, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et bien, le Grimprel, est-ce que la solution, c'est celle préconisée par la consultation citoyenne ou vos propres recherches, c'est-à-dire d'obliger, enfin de rendre obligatoires tous les vaccins et de les rendre gratuits? Et est-ce que, on va dire, c'est le bébé que laisse ce gouvernement au futur et donc au futur ministre de la Santé? Ben, c'est un peu ça. Notre ministre de la Santé a souhaité une concertation citoyenne pour prendre vraiment l'avis de la population et ne pas prendre une décision qui soit un peu autoritaire et mal vécue dans un contexte très large de suspicion globale dans notre pays, qui est encore une fois très exceptionnel dans le reste du monde. Donc elle lance cette concertation citoyenne et quand on lit attentivement tout le rapport qui a été extrêmement long et détaillé et bien fait de cette concertation citoyenne, on sent bien qu'on est dans une impasse. Et que l'idéal serait qu'il n'y ait aucune vaccination obligatoire, mais c'est absolument pas envisageable dans notre pays, sinon cela va courir immédiatement dans la situation où nous sommes à une baisse de la couverture vaccinale et une remontée des maladies infectieuses, qui n'est pas acceptable ni pour un ministre, ni pour un médecin, ni même pour la population. Et donc ce rapport a bien établi que la seule solution qui était acceptable aujourd'hui, ça serait pendant un certain temps d'élargir l'obligation à l'ensemble du calendrier vaccinal, puisque c'est un vrai problème de santé publique, et de ce fait, de ne pas en rester là en tout cas, puisque aujourd'hui la situation qui consiste à dire que seuls 3 vaccins sont obligatoires est une situation qui ne peut plus durer. Emmanuel Grimprel, rendre obligatoire et gratuit, ça veut dire quoi, gratuit? Pour moi, la gratuité, c'est une gratuité absolue, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les autorités de santé considéraient que, avec le remboursement des mutuelles, la gratuité était quasiment toujours obtenue. Ce n'est pas tout à fait exact dans l'esprit des gens. D'avoir à payer pour ensuite être remboursé, ça n'est pas une solution acceptable. Et en plus, ce n'est pas un message politique qui est clair vis-à-vis de la population. Quand on propose un calendrier vaccinal, c'est-à-dire quand un politique décide d'utiliser l'argent du contribuable pour protéger sa population en lui proposant une solution de prévention par la vaccination, celle-ci doit être gratuite puisque c'est un acte politique et dans ce cas-là, les vaccins doivent être donnés librement et sans aucune contrepartie financière dans les pharmacies ou dans les dispensaires à la population qui se fait vacciner. C'est comme ça que je conçois la gratuité. Rougeole, la vaccination en question. Avec l'historienne Anne-Marie Moulin, auteure de L'aventure de la vaccination, publiée aux éditions Fayard, Soisy Coursier, directrice médicale au sein de GSK France, Céline Thomas, mère de famille, Emmanuel Grimprel, responsable du service de pédiatrie à l'hôpital Saint-Antoine, Romain Guérardi, directeur de recherche d'une unité INSERM à l'université Paris-Est et auteur de Toxic Story, publié chez Actes Sud, et Jacques Bessin, président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour se faire vacciner, bibliographie, lien replay et podcast, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Mais demain, dernier épisode, avoir 18 ans avec le VIH.